nous avions envie de trembler. Vous aimez frissonner. Sursauter. Vous aimez les cafards. Alors... Pire horreur. Les diamants du malheur. Je suis assise dans un cirque très coloré et lumineux. Il y a quelque chose de très bizarre. Les acrobates sont trop flexibles, les lions trop obéissants. Mais les clowns sont les pires, ils me font vraiment peur. Je déteste les clowns avec tout leur maquillage, leur gros nez rouge et leur croix sur les yeux. Ils ont un sourire froid. Il demande à trois hommes du public de venir au milieu de la piste. Mon père est parmi eux. Il les font sauter à la corde, puis les amène derrière les rideaux. Mon père ne revient pas. Alors je dis à ma mère que je vais aux toilettes. Et en fait, je vais à sa recherche. Je vois une lumière s'allumer en dessous de la piste. Je m'approche et je vois les trois clowns en train d'enlever leurs masques. Ils se retournent vers moi et je vois leur figure dégoûtante. Ils ont des nez crochus, qui sont plutôt à droite qu'à gauche. Ils ont des yeux de couleurs différentes. Ils s'en vont dans une autre pièce et je vois une table couverte de bijoux qui tremble. Je m'approche à quatre pattes. Je vois alors plein d'hommes minuscules prisonniers dans les bijoux. Mon père est enfermé dans un diamant. Mais avant que je puisse lui parler, les clowns reviennent. Ils m'hypnotisent et je m'endors. Quand je me réveille, je me rends compte que je suis moi aussi dans un diamant. Les clowns nous jettent dans un grand sac plastique, avec plein d'autres personnes enfermées. Quelques heures plus tard, je me retrouve sur une chaîne autour du cou de ma mère et je vois mon père sur un anneau en or autour de son doigt. Elle ne se rend même pas compte que nous sommes là. De quoi as-tu peur dans la vie ? Des cauchemars. De tomber dans un puits et de ne pas m'arrêter de tomber. Je pense que c'est un possible tremblement de terre en Europe. Est-ce qu'il y a des monstres qui te font peur ? Non, j'y crois pas. Un repos bien mérité. Aujourd'hui, j'ai passé une dure journée au travail. C'est enfin l'heure de prendre un bon bain chaud. J'y entre un pied, puis tout mon corps. C'est tellement relaxant. Je me sens bien. Je ferme les yeux. J'aimerais rester là pour toujours. Tout à coup, je sens quelque chose de bizarre et de gluant sur ma jambe. Ça rampe. J'ouvre les yeux. Et je vois une énorme limace. Je retiens un cri. Je vois une grosse araignée sur mon bras. Et une guêpe sur ma main. J'ai envie de hurler, mais ça reste coincé dans ma gorge. Il y a des araignées, des vers, des mille pattes qui entrent par le bouchon de la baignoire. Certains me piquent, provoquant une douleur atroce. Des asticots rentrent dans mes oreilles. Je les sens bouger. Je n'arrive plus à respirer. Les insectes dont j'ignore le nom ont aussi envahi ma bouche. J'étouffe. C'est la fin. Puis, je ne pense plus à rien. De quoi as-tu peur ? Des araignées, des serpents. Des crocodiles. J'aime pas trop les souris. J'aime pas trop les grenouilles. Ça me fait sursauter à chaque fois et ça me fait peur. L'hôpital pour les vieux. En jouant au foot pendant un récré, je me suis cassé la jambe. Maintenant, l'ambulancier vient me chercher. Il me monte sur une civière pour m'emmener à l'hôpital. L'ambulancier a une tête étrange. Il ne m'inspire pas confiance, mais je n'ose rien dire. Je ne vois pas ses yeux derrière ses grosses lunettes. Il me lance dans l'ambulance un peu brusquement. Je commence à avoir un peu les chocottes. Quand la camionnette s'arrête, je ne reconnais pas du tout l'hôpital. On est au milieu de la campagne, devant une maison en ruine. Je m'assois brusquement, effrayée. L'ambulancier retire alors ses lunettes et je me rends compte qu'il n'y a rien à la place de ses yeux. Je me mets à crier au secours, à appeler mes parents. J'ai envie de m'enfuir, mais je ne peux pas. Je repense à tous mes amis. Toute ma vie défile devant mes yeux. Quand je me réveille, j'entends du bruit autour de moi. Mais je ne vois plus rien. Ma folle de belle-mère. Je suis dans le couloir pour aller aux toilettes. Je passe devant la salle de bain. Et là, je vois ma belle-mère devant le miroir. Elle a l'air plus vieille que d'habitude. Elle a un grand nez, plein de rides. Elle est encore plus grosse que d'habitude. Je remarque qu'elle a des tresses, avec des têtes d'hommes au bout. Mais une tresse n'en a pas. Dessus, il est écrit « Charles ». Charles, c'est le nom de mon père. Pendant le repas suivant, elle se met à s'énerver, comme d'habitude. « J'en peux plus ! T'es vraiment un bon à rien ! Pauvre idiot !» Elle me lance un verre violemment. Elle me fait tellement peur que je pars en courant me cacher dans l'armoire. De là, je la vois reprendre son apparence de monstre. Elle est horrible. Je suis paralysée de peur. Elle s'approche de mon père et le mord dans le cou. Il est tellement hypnotisé qu'il ne réagit pas. Elle prend un grand couteau et hurle. « J'attaque !» Elle lui tranche la tête. Son corps s'effondre sur le sol. Je la vois alors prendre la tête de mon père et la plonger dans une marmite de potions gluantes. Quand elle ressort la tête, elle est devenue toute petite. Et dans un rire diabolique, elle l'attache alors à sa dernière tresse. Et disparaît. Est-ce que vous avez des phobies ? Oui, j'ai plein de phobies en fait. Je n'arrive pas à supporter les araignées, les cafards. Les couteaux très pointus me font très peur. La menace de Kim. C'est mercredi après-midi. Je suis chez mes copines Lily et Charlotte. Pour l'anniversaire de Charlotte, on s'amuse dans la cave. Charlotte a une poupée qui s'appelle Kim. Au moment du goûter, on monte pour ouvrir les cadeaux. Charlotte oublie Kim dans la cave. Parmi ses cadeaux, elle reçoit une nouvelle poupée qu'elle appelle Sabrina. Elle ne la lâche plus de la journée. Je reste dormir chez elle. Au milieu de la nuit, j'entends un cri. Je cours voir ce qui se passe. Je retrouve Charlotte en pleurs. Sa nouvelle poupée a été décapitée. Pourquoi t'as fait ça ? Elle jette la poupée sur moi. Je ne comprends rien. Je vais à la cave pour lui ramener son autre poupée en me disant que ça lui fera plaisir. La poupée n'est plus là. Je commence à avoir un peu peur. Je remonte les escaliers. Mais sur les marches, je vois la poupée vivante, avec un couteau suisse dans une main et la tête de la nouvelle poupée dans l'autre. Elle se jette sur moi en criant « Je suis la seule amie de Charlotte !» Je tombe en arrière et là je me réveille. Sur un lit, au milieu de plein de peluches. Je suis devenue une poupée. Le monstre gluant. Ce soir, mes parents vont au cinéma. À tout à l'heure, ma chérie. Ils me laissent toute seule à la maison. Je n'aime pas quand ils font ça, ça me fait peur, mais je n'ai pas le choix. Quand ils referment la porte derrière eux, je me retourne et là, je vois une ombre passer derrière le canapé. Je me mets à trembler, j'ai les dents qui claquent. J'ai envie de courir après mes parents, mais je sais qu'ils ne me croiront pas. Je vais dans le salon et là, un gros monstre visqueux et puant se jette sur moi et m'engloutit. Quand j'essaye de crier, il me rentre dans la bouche. Je me débats de toutes mes forces. J'arrive à sortir de lui. Je cours alors dans ma chambre et je me cache sous mon lit. Mais là, je vois deux yeux à côté de moi. Je hurle de toutes mes forces pour que les voisins m'entendent. Mais personne ne vient. Au secours ! Ils sont de plus en plus nombreux. 4, 7, 10, 100, etc. Ils m'étouffent petit à petit. J'espère que mes parents vont arriver. Mais c'est trop beau pour être vrai. Quelle est votre plus grande peur ? C'est l'avion. Vous avez peur de l'avion, vous avez peur qu'il se crache ouais, quand vous êtes ouais, ouais. J'ai peur des gens qui ne regardent pas dans les yeux, parce qu'ils ne m'inspirent pas de confiance, en fait. Ça te fait peur, le noir ? Oui. Mais qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans le noir et que tu as peur ? Je cours. Prison injuste. Je marche tranquillement dans la rue quand soudain quelqu'un m'attrape et m'endort avec du chloroforme. Je me réveille dans une salle sombre. Je n'arrive pas à bouger. Je suis attachée sur une planche en bois. Je suis un peu dans les vapes. Quelqu'un s'approche de moi et place un appareil bizarre devant mon nez. Quand il appuie dessus, je sens une atroce douleur à l'avant de mon crâne. C'est insupportable. Je sens du sang couler de mon nez. L'homme se penche vers moi et me dit : Nous avons placé une bombe dans ta tête. Si tu ne nous obéis pas, nous la ferons exploser. Il me dit alors d'aller me dénoncer pour l'attentat à la bombe d'un orphelinat. Cet attentat avait eu lieu une semaine plus tôt. Il avait fait 50 morts. Je me retrouve alors en prison. C'est dégueulasse. Les policiers sont hyper violents avec moi parce que j'ai tué des enfants. Il y a des rats dans ma cellule. Il fait très sombre. Personne ne vient jamais me voir et je n'ai presque plus à manger. Je n'en peux plus qu'on croie que j'ai tué tous ces enfants. Je fonce la tête la première sur un mur. Et la prison explose. J'ai la phobie des espaces clos. Je suis un peu claustrophobe. Par exemple, quand on avait eu à l'école une rumeur sur le diable. Ça fait peur. Toute seule, dans le fond d'un bois, même à midi, je suis pas à l'aise, hein. Je ne vois pas un être humain, et encore, j'aurais peut-être encore la trouille. Les bois, j'ai horreur. Et j'ai peur dans le noir, le soir, dans la rue. Et j'ai peur quand les gens crient. La promenade infernale. C'est dimanche, je me promène dans les bois avec mon père et ma sœur. Tout à coup, je remarque un homme qui nous suit depuis un moment. Il me fait peur. Il est grand, il a une sale tête, il porte une grosse veste noire et des lunettes. Je le dis à mon père, mais il me répond : Ne t'inquiète pas. J'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte du danger. Ma sœur veut aller jouer à cache-cache dans le bois. J'accepte à contre-cœur. Je me retrouve tout seul, caché derrière un buisson, tremblant de peur. Tout à coup, je sens la respiration de quelqu'un dans mon cou. Je murmure « Papa ?» Pas de réponse. Alors je bondis et je me mets à courir de toutes mes forces sans regarder derrière moi. Je me prends les pieds dans une racine et je m'étale par terre. Je le sens arriver en courant. Il se jette sur moi en respirant très fort. Je me mets à hurler de toutes mes forces. Oh, Hélène ! Depuis, je suis dans le noir. Où ? Je ne sais pas. Et parfois, je le vois. Vive Pâques. C'est les vacances de Pâques. Je vais avec mes parents dans une maison de vacances en Normandie. Quand j'arrive, je trouve cette maison assez étrange. Elle est recouverte de slime. Mes parents trouvent ça normal. Le soir, j'essaie d'ouvrir une petite porte, mais elle est bloquée. Juste à côté, je vois un bocal rempli de poussière. Je glisse ma main à l'intérieur et je sens une clé. Elle ouvre la porte bloquée. À l'intérieur, il fait tout noir. Je distingue de grands draps blancs. Il y a des formes rondes dessous. J'ai l'impression que ça bouge. Je referme la porte le plus vite possible et je vais me réfugier dans mon lit. Je repense à ce que j'ai vu. J'avais l'impression que des yeux me regardaient sous les draps. Je suis réveillée en pleine nuit par de petits bruits. J'ai faim. Mes draps bougent tout seuls. J'ai l'impression que les têtes coupées sont venues pour me manger. Qu'est-ce que je peux faire ? Je pose le pied par terre. Ah ! Je sens une langue qui me lèche la jambe. Je reste coincée toute la nuit dans un coin de ma chambre sans dormir. Le matin, je vais chercher la clé de la petite porte dans le bocal. Elle n'y est plus et la porte est ouverte. Il n'y a plus rien sous les draps. Les têtes ont disparu. Je suis terrorisée. Je veux en parler à ma mère, mais je n'y arrive pas. Et là, elle me dit « Ma chérie, va voir dans le jardin. Il y a quelque chose qui t'attend. » Je sors et je vois dans l'herbe de crocs. Une radio créée par Esther, Alice, Julien, Aline, Thomas, Clara, Kimberly, Andro. Réalisée et animée par Céline et Mélisse. Mixage Oregon Canada. Et l'enregistrement, il ne doit pas y avoir de bruit. Et là, on vous entend, donc ça ne marche pas. Pure Horreur, un atelier radiophonique des ateliers d'art contemporain de Bruxelles et de Cinétique SBL. Réalisé avec le soutien de la COCOF et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.